Un jour, un fiancé s'agenouille à Fatima. Pour la santé de son épouse accablée. Marie embrasa son cœur pâle, l'offrant au rédempteur des espoirs perdus. Son âme délaissée endura ensuite la maladie, l'épreuve et le désespoir, jusqu'à ce que ses vertus se fanent jeunes et qu'elle retombe dans la gaieté des amours passés. Du cœur d'un fiancé trahi, elle bâtit 10 ans de douceur et de grâce. Mais toutes ses fautes s'effaceront. Car 10 ans de volonté survivront à sa vie changée. Dix ans de volonté survivront à sa vie changée.